Chapitre 360. La réprobation de faire l'éloge d'une personne en sa présence si l'on craint qu'elle ne s'enorgueillisse. 1788. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a entendu un homme faire l'éloge de quelqu'un de façon exagérée. Il lui dit « Vous le conduisez à sa perte » ou « Vous lui avez brisé le dos ». Al-Bukhari et Muslim. 1789. D'après Abu Bakr, radiyallahu anhu, on fit l'éloge d'un homme devant le prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit « Malheur à toi, tu as tranché la nuque de ton compagnon ». Il répéta, alayhi salatu wassalam, ceci à plusieurs reprises avant d'ajouter « Si l'un d'entre vous doit absolument faire l'éloge d'un autre, qu'il dise « Je considère un tel ainsi, s'il l'estime vraiment ainsi, mais c'est Allah qui est son juge, et que personne ne prétende qu'un autre est pur de tout péché. » Al-Bukhari et Muslim. 1790. D'après Hammam ibn al-Harith, selon Al-Miqdad, un homme commença à louer Othman, radiallahu anhuma. Al-Miqdad se tourna alors vers l'homme en se mettant à genoux et lui jeta des cailloux au visage. Othman lui dit alors, « Qu'as-tu donc ?» Il répondit, « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Quand vous voyez les flatteurs, jetez-leur de la poussière au visage. » Muslim. Ces traditions prophétiques concernent l'interdiction de faire des éloges, mais beaucoup d'autres, tout aussi authentiques, indiquent qu'il est permis de le faire. Les savants ont levé l'apparente contradiction dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam en disant ceci « Si celui dont on fait l'éloge possède une foi complète faite de certitude, qu'il ne se laisse pas égarer par les compliments et que son ego ne se joue pas de lui, alors cela n'est ni interdit ni blâmable. Si par contre l'on craint pour lui l'une des choses précitées, alors il est fortement déconseillé de le louer en sa présence. » C'est en fonction de cette distinction que doivent être comprises les nombreuses paroles du prophète alayhi salatu wassalam, dont j'ai cité un certain nombre dans mon livre intitulé Al-Athkar, qui indique la permission de louer une personne comme celle adressée à Abu Bakr, « J'espère que tu en feras partie », c'est-à-dire des gens qui seront appelés à entrer par toutes les portes du paradis. Ou celle-ci, « Tu n'es pas des leurs », c'est-à-dire de ceux qui laissent traîner leurs habits par orgueil. Le prophète a dit également à Omar, radiyallahu anhu, « Satan ne te voit pas emprunter un chemin sans en emprunter un autre ».